18 avril 1985. Rentrer à Gainesville. Défaire les bagages, ranger, retrouver ses marques, installer Julien dans le siège auto, faire les courses, mais d'abord passer à la banque. Bonjour Lisa, vous allez bien? J'ai besoin de cash. Bonjour madame, je vais bien, merci. Combien voulez-vous retirer? 200 $, s'il vous plaît, en petite coupure. Et votre petite fille, ça va? Elle grandit bien? Oh oui, elle va très bien. Déjà 5 mois. Ça passe si vite. Et votre Julien, il va bien aussi? Oui et non, il ne tient toujours pas sa tête, il est un peu mou. Je m'inquiète. J'ai rendez-vous à Charlottesville bientôt. Ils vont sûrement trouver ce qu'il a. Faustine retrouve la maison désertée. Maxime est déjà reparti pour un séjour de 6 semaines en Europe. Son retour est programmé pour fin avril. Anaïs a choisi de rester une semaine de plus dans sa famille d'accueil avec laquelle elle s'entend bien. À l'entendre au téléphone, elle a fait d'immenses progrès en anglais. Faustine est contente de pouvoir reprendre tranquillement possession de son territoire et surtout de ne pas avoir à stresser entre mari, belle-fille et bébé. Elle nourrit Julien au biberon, tout en l'habituant peu à peu aux nourritures mixées, purée de carottes et compote de sa fabrication. Le moment du repas, quand ils sont seuls, est souvent très drôle. Julien est très complice. Il ne faut pas grand-chose pour le provoquer. Il suffit de lui dire « Non, tu ne dois pas faire « pour qu'aussitôt d'un mouvement qui n'appartient qu'à lui, il asperge sa mère et la table de tout le contenu de sa petite bouche, en général de la purée de carottes. Faustine éclate de rire en faisant les gros yeux et en le chatouillant, ce qui ne peut que l'encourager à continuer. Tout cela se termine par un bon bain à deux, moment qu'elle savoure par-dessus tout. Elle est épatée de voir à quel point son fils est expressif et sait se faire comprendre. Par exemple, il déteste être sale et d'un seul regard, il manifeste qu'il est temps de changer sa couche avant même que l'odeur soit explicite. Avec ou sans bébé, Faustine n'a pas le temps de chômer. Cette année, Pâques tombe le 7 avril. À Gainesville, c'est prétexte à grande réjouissance. En épouse du Big Boss, Colleen White a rameuté sa cour. Elle a besoin d'aide pour organiser la fête. Celle-ci commencera par une cérémonie religieuse dans la plus grande salle du bureau, transformée pour l'occasion. Ensuite, elle compte offrir un banquet à ses enfants et petits-enfants, ainsi qu'au personnel du bureau, conjoints et progéniture compris. On roulera les œufs depuis le haut de la colline jusqu'à l'étang. On organisera une chasse au trésor pour dénicher les friandises cachées par le lapin de Pâques. Colleen est allée jusqu'à engager des animateurs déguisés en lapin. Chaque intervenant est responsable d'une tâche, que ce soit un élément du repas ou la décoration de la salle du culte. On disposera des bougies autour des arbres de Pâques. C'est une première pour Faustine qui ne connaît pas du tout cette coutume, consistant à attacher des œufs vidés et artistiquement décorés sur un assemblage de branches. Avant que les filles s'attaquent à la déco, Faustine récupère l'intérieur des œufs pour confectionner ses desserts. Rien ne se perd. Anaïs, enfin rentrée au foyer familial, l'aide pour les finitions, de même que Laurie, sa grande amie, venue jouer avec son papouse de filleul, qu'elle qualifie tendrement de sac de pommes de terre. Depuis qu'elle s'en est occupée durant une semaine, Julien l'a tout à fait adoptée. Il l'adore, elle lui réserve ses plus beaux sourires. Si le papouse se montre parfois d'une hypersensibilité, l'autre jour il a sursauté, bouleversé, quand Faustine a déchiré une feuille de papier aluminium trop près de son oreille. La plupart du temps il est facile à vivre et joyeux de rire, malgré son hypotonie. Faustine a hâte d'être à Charlottesville, qu'un diagnostic soit posé et un remède, s'il y a lieu, prescrit. La fête de Pâques tient ses promesses. Tout le monde déplore l'absence de Maxime, sauf Faustine qui se demande comment ils auraient réagi tous s'il avait refusé d'assister à la cérémonie religieuse. Elle-même y participe avec plaisir. Quant à Julien, bercé par les psaumes, il s'endort. Au moment de la chasse aux œufs, il est en revanche bien réveillé et apprécie l'agitation, le bruit et l'enthousiasme des autres enfants. Faustine est surprise de voir que les œufs qu'on fait rouler sont de simples coques en plastique emplies de marshmallows colorés. Elle s'attendait à de vrais œufs durs comme dans son pays. Mais non, il paraît que les vrais pourraient être vecteurs de maladies. Rendez-vous compte. Colline lui explique qu'ici on témoigne de la même méfiance en ce qui concerne les œufs de Pâques que vis-à-vis des friandises offertes à Halloween. Il paraît que des fous s'amusent à introduire du poison ou cacher des lames de rasoir à l'intérieur. On ne compte plus les drames. Faut-il détester les enfants? L'Amérique est vraiment le pays de toutes les névroses et psychopathies. La veille de son rendez-vous à l'hôpital de Charlottesville, Faustine monte tailler le bout de gras avec Lynn. Elle prend l'escalier intérieur. Sur sa porte, Lynn a collé son autoportrait grandeur nature. Elle a voulu montrer qu'une femme de 47 ans n'était pas finie et pouvait être très belle. Faustine est entièrement d'accord. Les deux femmes bavardent autour d'un verre de rosé, la boisson de prédilection de Lynn. Faustine l'interroge sur la route à suivre et les affaires à prendre. Lynn lui recommande de se munir d'une petite flasque de whisky, juste pour se détendre une fois sur place. « Ça va bien se passer, tu sais, mais peut-être qu'ils vont te faire attendre longtemps avant de s'occuper de toi. Emporte de quoi t'occuper. »« Ok, je vais faire ça. Et toi, tu garderas un œil sur Anaïs ?»« Bien sûr, compte sur moi. Elle prendra ses repas chez nous et pourra même dormir en haut si ça lui chante. » C'est pleine d'espoir que Faustine se dirige vers Charlottesville ce matin-là. Outre la flasque de whisky, elle a embarqué le nécessaire pour nourrir, changer et distraire bébé pendant au moins 3 jours, alors qu'ils seront certainement de retour ce soir. Mais tant pis, la Mustang est munie d'un grand coffre, autant en profiter. La jeune femme emporte également une provision de cigarettes. Si elle prend la route directe, il y en a pour un peu moins de 2 heures. Il est à peine plus de midi quand elle arrive à proximité de l'hôpital. Elle décide de s'arrêter chez Pizza Hut. Elle pose le siège auto sur une table, commande une pizza et demande à la serveuse de bien vouloir réchauffer le petit pot de Julien. La serveuse n'est pas très contente que la jeune maman prenne autant de place à elle toute seule en plein coup de feu de midi. Mais elle s'exécute et bientôt mère et fils savourent leur repas. Faustine explique à Julien, en français, ce qu'ils sont venus faire à l'hôpital. L'enfant regarde sa mère avec gravité, comme s'il pressentait la suite. Comme convenu, Faustine se présente à la réception du centre hospitalier. Elle remplit les documents préalables à tout enregistrement de patients, puis se dirige vers la salle d'attente. On vient l'y chercher, un peu plus tard, pour l'introduire dans une minuscule salle d'examen. Il n'y a là qu'une table allongée et une chaise. Quelques secondes plus tard, le spécialiste les rejoint. Il lui serre la main et lui demande de déshabiller son bébé. Elle s'exécute. Minutieusement, il examine Julien, puis sort de la pièce en murmurant « Je reviens tout de suite ». 10 minutes s'écoulent avant qu'il réapparaisse, suivi d'un collègue beaucoup plus âgé qui, à son tour, examine l'enfant. Les deux hommes échangent un regard. Ils semblent confortés dans leur diagnostic. Faustine se mord les lèvres, plus anxieuse à chaque seconde qui passe. Enfin, on daigne lui parler. « Well, vous pouvez rhabiller votre bébé. Malheureusement, madame, le pronostic n'est pas bon. Vous êtes venue seule ?»« Oui, mon mari est à l'étranger pour son travail. Pourquoi ?» Votre fils est atteint d'une déficience génétique. Qu'est-ce que c'est? Une maladie orpheline, c'est-à-dire une amyotrophie spinale. Une quoi? Une faiblesse musculaire sévère, progressive, conduisant à une insuffisance respiratoire et... Qu'est-ce qu'on peut faire? Il doit bien exister un traitement. Nous sommes vraiment désolés, mais c'est incurable. C'est de ma faute? Non, les deux parents doivent être porteurs du gène responsable pour que l'enfant développe la maladie. Qu'est-ce qui va arriver? Il va mourir. Dans combien de temps? 2 ans, maximum. Il vous faudra beaucoup de courage. L'autre docteur prend alors le relais et explique patiemment à Faustine. Lundi, nous effectuerons une biopsie musculaire ainsi qu'une électromyographie. Comment s'appelle cette maladie déjà? Werning Hoffmann. Vous pouvez me l'écrire? Oui, bien sûr, dit le médecin en s'exécutant avant de poursuivre. Nous allons vous faire préparer un lit en pédiatrie et fixer l'heure du rendez-vous pour la biopsie. D'autres professeurs voudront voir votre enfant. Nous vous serions reconnaissants d'accepter leur visite. Évidemment. Eh bien, nous allons vous laisser. Une infirmière viendra vous chercher dès que le lit sera prêt et le bébé enregistré. Voulez-vous que nous vous apportions quelque chose à boire? Un thé? Un café? Non, merci. Il est 14h20. Julien s'est endormi, comme si tout ceci ne le concernait plus. Faustine se jette fébrilement sur la mignonnette de whisky, regrettant déjà de ne pas en avoir pris plusieurs. Elle s'empare de son paquet de cigarettes, repère une bouche d'aération à ras du sol dans le fond de la pièce, s'agenouille devant, en état de choc. « Seigneur, qu'est-ce que je suis censée faire ?